Chapitre 4. À Venise, il rencontre son frère Lord Surbiton, qui venait d'arriver de Corfou dans son yacht. Les deux jeunes gens passèrent ensemble une charmante quinzaine. Le matin, ils erraient sur le Lido, où glissaient çà et là par les canaux verts dans leurs longues gondoles noires. L'après-midi, ils recevaient d'habitude des visites sur le yacht et le soir, ils dînaient chez Florian et fumaient d'innombrables cigarettes sur la piazza. Pourtant, d'une façon ou de l'autre, Lord Arthur n'était pas heureux. Chaque jour, il étudiait dans le Times la colonne des décès, s'attendant à y voir la nouvelle de la mort de Lady Clementina, mais tous les jours, il avait une déception. Il se prit à craindre que quelque accident ne lui fût arrivé, et regretta maintes fois de l'avoir empêché de prendre la conitine quand elle avait été si désireuse d'en expérimenter les effets. Les lettres de Sibyl, bien que pleines d'amour, de confiance et de tendresse, étaient souvent d'un ton très triste, et parfois il pensait qu'il était séparé d'elle à jamais. Après une quinzaine de jours, Lord Surbiton fut là de Venise et se résolut de courir le long de la côte jusqu'à Ravenne parce qu'il avait entendu dire qu'il y a de grandes chasses dans le Pinetum. Lord Arthur, d'abord, refusa absolument de l'y suivre, mais Surbiton, qui l'aimait beaucoup, lui persuada enfin que s'il continuait à résider à l'hôtel d'Agnelli, il mourrait d'ennui, et le 15e jour au matin, ils mirent à la voile par un fort vent de nord-est et une mer un peu agitée. La traversée fut agréable. La vie à l'air libre ramena les fraîches couleurs sur les joues de Lord Arthur, mais après le 22e jour, il fut ressaisi de ses préoccupations au sujet de Lady Clementina, et en dépit des remontrances de Surbiton, il prit le train pour Venise. Quand il débarqua de sa gondole sur les degrés de l'hôtel, le propriétaire vint au-devant de lui avec un amoncellement de télégrammes. Lord Arthur les lui arracha dans les mains et les ouvrit en les décachetant d'un geste brusque. Tout avait réussi. Lady Clementina était morte subitement dans la nuit 5 jours avant. La première pensée de Lord Arthur fut pour Sibyl. Elle lui envoya un télégramme pour lui annoncer son retour immédiat pour Londres. Ensuite, il ordonna à son valet de chambre de préparer ses bagages pour la rapide du soir, quintupla le paiement de ses gondoliers et monta l'escalier de sa chambre d'un pas léger et d'un cœur affermi. 3 lettres l'y attendaient. L'une était de Sibyl, pleine de sympathie et de condoléances. Les autres, de la mère d'Arthur et de l'avoué de Lady Clementina. La vieille dame, paraît-il, avait dîné avec la duchesse, le soir qui avait précédé sa mort. Elle avait charmé tout le monde par son humour et son esprit, mais elle s'était retirée d'un peu bonheur en se plaignant de souffrir de l'estomac. Au matin, on l'avait trouvée morte dans son lit sans qu'elle parût avoir aucunement souffert. Sœur Mathurède avait été appelée alors, mais il n'y avait plus rien à faire et dans les délais légaux, on l'avait enterrée à Beauchamp-Charlecote. Peu de jours avant sa mort, elle avait fait son testament. Elle laissait à Lord Arthur sa petite maison de Curzon Street, tout son mobilier, ses effets personnels, sa galerie de peinture à l'exception de sa collection de miniatures qu'elle donnait à sa sœur, Lady Margaret Rufford, et son bracelet d'améthyste qu'elle léguait à Sibyl Merton. L'immeuble n'avait pas beaucoup de valeur, mais M. Mansfield, l'avoué, était très désireux que Lord Arthur revînt le plus tôt qu'il lui serait possible, parce qu'il y avait beaucoup de dettes à payer et que Lady Clementina n'avait jamais tenu ses comptes en règle. Lord Arthur fut très touché du bon souvenir de Lady Clementina et pensa que M. Podgers avait vraiment assumé une lourde responsabilité dans cette affaire. Son amour pour Sibyl, cependant, dominait toute autre émotion et la conscience qu'il avait fait son devoir lui donnait paix et réconfort. En arrivant à Charing Cross, il se sentit tout à fait heureux. Les Merton le reçurent très affectueusement. Sibyl lui fit promettre qu'il ne supporterait pas qu'aucun obstacle s'interposât entre eux et le mariage fut fixé au 7 juin. La vie lui paraissait encore une fois belle et brillante et toute son ancienne joie renaissait pour lui. Un jour, cependant, il inventoriait sa maison de Curzon Street avec l'avoué de Lady Clementina et Sibyl, brûlant des paquets de lettres jaunies et vidant des tiroirs de bizarres vieilleries, quand la jeune fille poussa soudain un petit cri de joie. « Qu'avez-vous trouvé, Sibyl ?» dit Lord Arthur, levant la tête de son travail et souriant. « Cette jolie petite bonbonnière d'argent. Est-ce gentil et hollandais ? Me la donnez-vous ? Les améthystes ne me scieront pas, je le crois, jusqu'à ce que j'aie 80 ans. » C'était la boîte qui avait contenu la conitine. Lord Arthur tressaillit et une rougeur subite monta à ses joues. Il avait presque oublié ce qu'il avait fait, et ce lui sembla une curieuse coïncidence que Sibyl, pour l'amour de qui il avait traversé toutes ses angoisses, fut la première à les lui rappeler. « Bien entendu, Sibyl, ceci est à vous. C'est moi-même qui l'ai donné à la pauvre Lady Clem. Oh, merci, Arthur. Et aurais-je aussi le bonbon ? Je ne savais pas que Lady Clementina aimait les douceurs. je la croyais beaucoup trop intellectuelle. » Lord Arthur devint terriblement pâle, et une horrible idée lui traversa l'esprit. « Un bonbon, Sibyl, que voulez-vous dire ? » demanda-t-il d'une voix basse et rauque. « Il y en a un là-dedans, un seul. Il paraît vieux et sale, et je n'ai pas la moindre envie de le croquer. » « Qu'est-il, Arthur, comme vous pâlissez ?» Lord Arthur bondit à travers le salon et saisit la bonbonnière. La pilule couleur d'ambre y était avec son globule de poison. Malgré tout, Lady Clementina était morte de sa mort naturelle. La secousse de cette découverte fut presque au-dessus des forces de Lord Arthur. Il jeta la pilule dans le feu et s'écroula sur le canapé avec un cri de désespoir.